L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Les 18 et 19 avril, la Maison des Fêtes et de la Culture de Blainville-sur-Lot ouvre ses portes pour la 4e édition du Salon des Arts et des Loisirs de l'AMFC. Deux jours d'ateliers, d'expositions et d'animations autour des 13 activités de l'association. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous représentez notamment une des activités proposées à l'AMFC, vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr, je représente la couture solidaire, une activité que j'anime avec Delphine Kongs. Nous réalisons des créations que nous offrons aux hôpitaux pour les enfants malades, les adultes, etc. etc. C'est les cousettes solidaires ? C'est les cousettes solidaires. Et là, vous participez en même temps que 12 autres donc, activités à cette nouvelle édition du salon. L'idée de départ de ce salon ? Alors l'idée de départ, c'est pouvoir ouvrir entre guillemets les portes de notre association qui comporte 300 adhérents et de faire découvrir toutes les activités qui sont proposées au sein de cette association. Il faut savoir que cette association, elle ne fonctionne qu'avec des bénévoles et chaque responsable d'activité est complètement bénévole et s'investit pour organiser toutes sortes d'activités. Pour présenter un peu les autres activités, on a parlé de la couture. Quelles autres activités seront présentées lors de ce week-end des 18 et 19 avril ? Ce week-end, vous pourrez retrouver l'activité aéromodélisme, l'activité dentelle au fuseau, la peinture, la photo, le vitrail et puis tout ce qui tourne autour des jeux de cartes, donc la belote, l'initiation au poker, le tarot. Et nous avons trois groupes de danse, la danse folklorique, la danse de salon et la danse moderne. Et nous pouvons aussi retrouver la 13e activité qui est la généalogie. Est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à la 3e édition du salon ? Les cousettes solidaires ont rejoint l'association il y a 2 ans. Donc nous sommes les petites dernières arrivées. On peut rappeler le rôle de votre association des cousettes solidaires ? Alors les cousettes solidaires, nous c'est notre 5e année d'existence. La MSC, on l'a rejoint il y a peu. Finalement, nous, c'est vraiment donner du réconfort aux gens qui sont dans des situations difficiles. Alors, c'est les enfants qui sont hospitalisés. Ça peut être pour leur faire des pochons, pour mettre des jeux de cartes à l'intérieur. Ça peut être les coussins cœur pour les dames qui sont opérées du cancer du sein. Tout plein de choses comme ça. Et on travaille avec la néonate de Nancy aussi. Enfin, vraiment, c'est pour donner du réconfort à plein de gens qui sont dans des situations difficiles. De participer à un rendez-vous tel que celui-ci, pour toutes les activités qui sont présentées, ça permet quoi ? Vraiment de se faire connaître, parce que finalement on est une grosse association, mais les gens ne franchissent pas forcément. Alors vous allez dire déjà on est 300 adhérents, mais c'est vraiment l'occasion de se faire connaître et de voir tout ce qui se fait à Blainville-sur-Lot dans une grosse association comme celle-ci. Et c'est vraiment un côté rencontre, que les personnes vraiment puissent se rencontrer, parce que nous, on a une adhésion qui est à moins de 30 euros à l'année, donc c'est vraiment pas un coût énorme, mais par contre, de faire découvrir tout ce qui est fait au sein de cette association à Blainville-sur-Lot, c'est vraiment une belle expérience. Donc c'est les 18 et 19 avril, c'est à la Maison des Fêtes et de la Culture de Blainville-sur-Lot, c'est à partir de quelle heure ? Alors c'est à partir de 10h, donc les horaires c'est de 10h à midi et de 14h à 18h le samedi et le dimanche. Et au cours de ces 2 jours, vous aurez la possibilité de faire des ateliers et puis de voir une exposition de dentelle, aquarelle, photo, vitrail. Et tout au long, vous aurez des jeux et des animations qui vous seront proposés. Bien entendu, l'entrée est gratuite. Et on peut retrouver les informations sur un site, sur un réseau social ? Notamment sur la page Facebook de la ville de Blainville-sur-Lot. De quoi passer un beau week-end à Blainville et de découvrir plein d'activités, pourquoi pas de nouvelles vocations. Merci beaucoup Sylvie. Bonne journée. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.